Merci Bruno et merci aux organisateurs de cette journée d'études d'avoir donné la parole à une collectivité municipale. Et pour le remercier, je vais vous donner en fait deux expériences pour le prix d'une, parce que nous avons connu deux expériences successives et que c'est intéressant, je crois, de voir aussi l'évolution de notre réflexion en la matière. Et puis j'évoquerai aussi les deux thèmes de cette journée, c'est-à-dire d'un côté la réutilisation et de l'autre l'open data, c'est-à-dire deux des poupées russes que Bruno nous a présentées ce matin, parce que je crois que c'est aussi une démarche parallèle que nous avons à Toulouse. Alors, notre première expérience, elle date de 2011, et vous doutez bien qu'elle était en lien direct avec ce qui mobilisait alors toute la communauté archivistique, qui était l'affaire de notrefamille.com, où nous avons réagi, comme beaucoup de services d'archives, avec un accès payant et réglementé, que nous avons tout simplement copié sur ceux de nos voisins des archives départementales. Je remercie ici son ex-directeur avec qui nous avions travaillé, parce qu'en définitive, pourquoi aller chercher ailleurs ce qui se trouve à côté de chez nous et qui était très bien fait, c'est-à-dire ce qui était mis en place par les archives départementales, que nous avons copié sans vraiment prendre tout ce qu'ils avaient, mais enfin, copiant la substantifique moelle, avec un certain nombre de licences, un règlement à un certain nombre de licences, et aussi en instaurant un accès payant aux recherches. Alors, l'accès gratuit et réutilisation payante, comme dans la majorité des cas, bien sûr, seule la réutilisation des données dans un but commercial faisait alors l'objet d'un règlement qui était assorti de tarifs de fourniture des reproductions et des droits d'exploitation qui avaient été fixés à l'époque par un tarif indicatif diffusé par la Direction générale des patrimoines. Et donc, nous avions mis en place, comme d'ailleurs aux archives départementales, je crois aussi, ce système de frais forfaitaires pour les recherches longues, pour lesquelles nous étions inspirés, et effectivement, des AD aussi. Alors, tout ça a fait l'objet d'une délibération en bonne et due forme. Et le problème, c'est que, d'une part, et vous le voyez en bas de ma diapositive, c'est que la collectivité, dès 2010, avait eu un choix volontaire d'open data, et que donc, quelque part, on était un peu en porte-à-faux et qu'il ne fallait pas qu'on rate le train un peu de l'open data. Et que, d'autre part, la charge de travail que nécessitait le suivi de ces licences, le fait pour le personnel d'avoir à chronométrer éventuellement ses recherches, etc., était quelque chose d'impossible à mettre en œuvre pratique dans notre service. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons réfléchi donc, à la suite de ça, et nous avons décidé, en septembre 2013, donc, de rentrer dans une ouverture qui a été saluée à l'époque par les blogueurs notamment, qui s'intéressent à ces problèmes-là, parce que ce n'était le premier service d'archives, effectivement, à ouvrir le plus largement possible nos données à tout un chacun. Alors, cette solution, elle est quand même réglée par un règlement et trois licences qui ont été adoptées à l'unanimité du Conseil municipal en septembre 2013. Et là aussi, nous avons eu l'aide d'un personnage des archives départementales qui suit beaucoup ce que nous faisons, Jordi Navarro, que je remercie, qui devait être ici d'ailleurs aujourd'hui, mais qui n'a pas pu, en raison des grèves, venir se déplacer à Paris. Donc il nous a beaucoup aidé sur cette réflexion et la mise en place de ces textes. Alors les principes généraux de notre système sont très largement inspirés d'une licence dont a parlé Bruno ce matin dans sa présentation, qui est la licence Creative Commons 3.0 by SAFR. Alors on va voir un petit peu ce que recouvre ce sigle un peu particulier. Vous trouverez bien sûr sur Internet tous les détails de cette licence. En fait, cette licence permet un partage donc entre un utilisateur et un fournisseur et permet de copier, de distribuer, de communiquer les données par tout moyen et sous tout format, et également de les adapter, de les transformer ou même de créer à partir d'elles. Alors bien sûr, cette extrême liberté qui est prévue pour toute utilisation, y compris commerciale, et on pourra y revenir tout à l'heure, est soumise à des conditions particulières. Tout d'abord, celle de la mention obligatoire de la paternité, c'est ce que le sigle BAI veut dire, et donc de crédit, en quelque sorte. Ensuite, et c'est ce qui fait la spécificité de cette solution, c'est le principe du partage dans les mêmes conditions, partage à l'identique, SA, share alike, et il oblige l'utilisateur qui modifierait une œuvre ou les données originales, nous reviendrons sur ces termes, à les diffuser avec la même licence sous laquelle elles ont été créées à l'origine, et donc toujours avec une nécessité d'ouverture et de partage. Alors ces règles s'appliquent à trois types de données auxquelles correspondent, comme nous allons le voir, trois licences différentes. Il y a les informations publiques, d'un côté, les œuvres, de l'autre, et les bases de données, en troisième partie. Alors, les informations publiques, donc on en a déjà un petit peu parlé ce matin, hein, toute information figurant sur un document administratif dont la communication constitue un droit en application des dispositions législatives, et les informations dont la communication ne constitue pas un droit en application de la législation en vigueur, mais qui ont fait l'objet d'une diffusion publique. Là, l'accès est totalement libre, mais vous voyez que nous avons prévu que leur éventuelle numérisation, si elles ne sont pas numérisées, reste payante suivant un tarif de prestation en vigueur qui a été voté aussi par le Conseil municipal. Et nous avons donc conçu, à propos de ces informations publiques, une licence spécifique de réutilisation que vous trouverez sur notre site. Pour ce qui est des œuvres, donc, définie comme étant une création protégeable par le droit de la propriété littéraire et artistique, droit d'auteur, droit voisin, droit sui generis, des producteurs de bases de données, y compris sous forme numérique, c'est à ces œuvres que nous avons associé spécifiquement la licence CC BY-SA 3.0 FR, mais uniquement, bien sûr, pour ce qui concerne les œuvres dont la ville détient les droits patrimoniaux. Par ailleurs, les œuvres entrées dans le domaine public, ainsi que celles dont la ville ne dispose pas des droits, sont bien évidemment exclues de ces licences. D'ailleurs, on préfère, nous, le terme d'œuvre élevée dans le domaine public, c'est moins dépréciatif que tomber dans le domaine public. Vous le voyez. Hein. Voilà. Enfin, troisième partie, les bases de données. Donc, les bases de données, qui sont des ensembles donc, d'éléments organisés de manière systématique ou méthodique et accessibles individuellement par voie électronique ou toute autre matière. Donc, les informations et les œuvres publiques définies précédemment sont mises à disposition sous la forme de bases de données. Nous avons placé ces bases sous la licence ODBL, c'est-à-dire Open Database License de Toulouse Métropole, qui en fait confère à l'utilisateur les mêmes droits, mais également les mêmes devoirs que la licence Creative Commons. Et donc, il est important de noter aussi que notre système de partage à l'identique concerne non seulement les bases elles-mêmes, mais également les données qui les composent. Alors, il est évident que ce système qui a été mis en place, s'il a beaucoup facilité, s'il facilite beaucoup les choses pour nous, n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Elle nécessite en effet, en premier lieu, de connaître et de comprendre le code de la propriété intellectuelle, qui est particulièrement complexe, et de faire une veille jurisprudentielle permanente en la matière. Une autre source de difficulté provient de nos fonds eux-mêmes, qui sont constitués, comme vous le savez tous, d'une extrême diversité d'auteurs et de producteurs. Et dans tous les cas de figure, il y a nécessité d'identifier précisément les droits afférents. Alors, afin de... J'ai résumé un peu un tableau, ce qui est relativement simple et ce qui est plus complexe. Vous voyez que les informations publiques, réutilisation libre, attention à la protection de la vie privée, on l'a dit, et fichiers gratuits si numérisés, sinon numérisation payante. Base de données ou leur contenu, réutilisation libre, fourniture gratuite. Œuvres dans le domaine public, réutilisation libre, souvent difficile d'identifier la date de décès de l'auteur. Et fichiers gratuits si numérisés, sinon numérisation payante, toujours le même principe. Et enfin, les œuvres sous droit, identification complexe des droits et des ayants droit, difficulté de gestion pour les archives, cas par cas obligatoire, et méconnaissance aussi des utilisateurs, il faut le savoir, parce que nous, on a un problème d'identification des droits, mais les utilisateurs ont aussi des problèmes pour connaître ces droits des œuvres. Alors, pour faciliter la gestion, eh bien, nous avons essayé de mettre en place rigueur et méthode, c'est-à-dire déjà au niveau administratif, respecter les règles d'entrée des documents, c'est-à-dire que dans les bordereaux de versement, nous demandons aux services, et nous travaillons bien sûr, nous sensibilisons les services en amont sur ces problématiques, pour que les bordereaux de versement comprennent des éléments permettant de gérer les droits pour les œuvres réalisées par la collectivité, première chose. Et enfin, nous travaillons avec la direction des affaires juridiques pour les entrées par voie extraordinaire, pour tous les modèles de contrats, de cession de droits, de dépôt, etc. Enfin, et là, c'est plus délicat, comme vous le savez, gérer en amont et essayer de régler l'arriéré. Gérer en amont, ça va à peu près, sensibilisation. Pour l'arriéré, c'est faire ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on le fait au cas par cas, en fonction des demandes, et donc on traite au fur et à mesure que les demandes arrivent. Alors, tout ça pour dire que cette démarche d'ouverture et de partage à l'identique, en fait, elle, dans laquelle nous sommes résolument engagés maintenant, elle répond à un double choix. Le premier, stratégique, il me semble, pour notre direction, est dicté par la forte conviction que j'ai, que l'une de nos missions essentielles est celle de la communication, de la valorisation de nos fonds et de la restitution à la société de la mémoire que nous conservons. Le second, plus politique, correspond en fait à l'engagement de notre collectivité dans cette démarche d'open data, un engagement qui s'est traduit dès sa création en octobre 2013 par l'installation à la présidence de l'association Open Data France de notre ancien maire et actuellement de l'élu qui est en charge du numérique, M. Bertrand Sepp, donc qui est président de cette association. Et nous nous rejoignons sur le fait que le patrimoine documentaire que nous gérons est un bien commun à tous les citoyens et qu'il ne doit faire l'objet d'aucune captation exclusive. Voilà. Alors, non, c'est pas fini. Je vais juste vous montrer quelques petites réalisations dans le cadre de la réutilisation gratuite des données que nous avons mis en place depuis 2010. Première réalisation, ça a été une convention avec Wikimedia France dans le cadre d'une opération qui touchait les archives municipales et le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, parce que nous avions un fonds photographique exceptionnel qui s'appelle le fonds Truta, du nom d'un directeur et conservateur du Muséum d'histoire naturelle. Donc, la subtilité de ce fonds, c'est qu'il était déposé chez nous par une association et que c'est en accord avec cette association que tout a été mis en ligne sur Wikimedia Commons et que vous pouvez le retrouver. Donc, actuellement, nous avons 458 photographies légendées avec des statistiques d'utilisation et nous allons bientôt mettre en ligne plus de 2306 clichés d'un officier de la guerre de 14-18. Ensuite, nous avons fait un certain nombre d'albums Flickr, donc qui est aussi un autre moyen de se faire voir sur la toile, hein, avec 9 albums créés sur le compte des archives, dont 2/3 par le service éducatif, avec beaucoup d'albums ayant trait, bien sûr, à la guerre de 14-18, actualité oblige. Family Search, alors nous avons un accord avec Family Search, nous leur avons fourni des fichiers et des métadonnées près d'un téraoctet avec les registres paroissiaux, registres d'état civil, recensement de population, métadonnées, et nous faisons actuellement avec eux des tests d'indexation collaborative puisqu'ils ont lancé sur le recensement de 1891 en particulier une indexation collaborative qui a eu, semble-t-il, beaucoup de succès à son lancement. Et enfin, et là nous rejoignons le deuxième thème de notre journée, nous avons mis un certain nombre de données sur la plateforme Open Data de la collectivité, donc des données extraites d'Urbaniste. Urbaniste est un outil que nous gérons et qui est un outil de SIG, de connaissance du patrimoine, en lien avec l'inventaire, bien sûr, de ce patrimoine bâti, mais aussi avec l'archéologie et avec des données d'archives, en particulier les cadastres anciens de la ville. Donc, nous avons mis les parcellaires des cadastres 1830 et 1680, des données sur les équipements des canaux, des transports en commun, des fiches mérimées qui devraient être, j'en ai parlé aux collègues de l'inventaire, qui devraient être actuellement en ligne, je l'espère, et bientôt une liste de délibérations entre 1909 et 69 et d'autres exports à venir, en particulier des données sur les permis de construire, mais sans bien sûr les données individuelles liées à ces permis de construire. Voilà. Donc je vous remercie pour votre patience.